Chapitre 4. Notice sur la vie et les travaux de saint Paul Miki, religieux catéchiste de la Compagnie de Jésus. Paul Miki naquit dans la province de Jamasihiro, dont Méako est la capitale. Fandedo no Miki, son père, était un seigneur de la cour de Nobunaga et avait reçu le baptême avec sa femme Marie et ses enfants en 1568. Paul, le cadet de tous, avait alors 5 ans. 6 années plus tard, il fut confié pour son éducation au père Nishi, l'apôtre de Méako. Avant que le père Alexandre Valignani, visiteur général aux Indes, abordât au Japon en 1579, il y avait partout dans les missions des écoles dans lesquelles on élevait les enfants. À l'occasion de Saint-Jean-Souan, nous en décrirons les exercices. Mais on n'y donnait qu'une instruction primaire et on n'y visait tout au plus qu'à former de bons catéchistes. Le vice-provincial, François Cabral, s'opposait énergiquement à ce qu'on élevât le niveau des études. Le père Valignani fut d'un autre sentiment. Voyant les missionnaires succomber sous le travail, il crut que pour les soulager, il fallait établir un clergé indigène, ayant un évêque à sa tête, et créer en conséquence des séminaires. 3 établissements de ce genre furent érigés ou mis sur un pied convenable. Celui du père Nishi fut de ce nombre. Pour lui donner plus de développement et d'importance, on le transféra l'année suivante à Anzukiama, nouvelle capitale bâtie par Nobunaga. Le père Nishi y éleva vis-à-vis du palais, avec l'autorisation du prince, un édifice en bois suffisamment spacieux. Paul s'y rendit et y resta avec 24 jeunes condisciples jusqu'en 1582. Mais en cette année, Akechi ayant levé l'étendard de la révolte, Anzukiama ne parut plus un lieu assez sûr pour y élever des enfants. Forcée de fuir, la jeune troupe se réfugia avec le père Nishi dans une jonque ou barque japonaise où ils coururent le danger d'être assassinés par le patron qui joignait à la profession de batelier le métier de brigand et de pirate. Délivré de ce péril par la singulière protection de Dieu, ils se fixèrent d'abord dans une île, puis se rendirent à Méako avec un sauf-conduit de l'un des fils d'Akechi, le meurtrier de Nobunaga. Après la mort de ce traître, Ukondono, son vainqueur, offrit ses terres pour y recevoir le pensionnat. Les bâtiments de celui d'Anzukiama avaient été détruits par l'incendie que le second fils de Nobunaga, tombé dans la démence par suite du désastre de son père, avait allumé en mettant le feu à son palais. L'offre d'Ukondono fut acceptée par le père vice-provincial et les classes se rouvrirent à Tagasuki. Tagasuki ne fut pas le dernier emplacement du pensionnat d'Anzukiama. Taiko-sama, s'engeignant encore à faire plaisir aux chrétiens, leur proposa de transférer l'institution à Osaka, ville qu'il avait bâtie à neuf, immensément agrandie et destinée à renfermer toutes les richesses de l'Empire. Cela eut lieu avant la fin de l'année 1585, peut-être dès 1583. Selon plusieurs auteurs, il y a de l'apparence que Paul ne sortit du pensionnat que pour se faire religieux et qu'il suivit par conséquent ses maîtres dans toutes leurs pérégrinations. Quoi qu'il en soit, il avait 22 ans lorsqu'il entra au noviciat des jésuites, érigé sous le vocable de tous les saints, dans les environs de Nagasaki. Il y fut admis au mois d'août 1586, année mémorable pour lui par un autre événement, car ce fut alors qu'il perdit son père, tué dans la guerre que soutenait le pieux roi de Bungo, François, contre le roi idolâtre de Satsuma, qui avait envahi ses états. Pendant que Paul faisait l'apprentissage de la vie religieuse, la colère de Taiko-sama éclata pour la première fois contre la religion chrétienne. Dans la nuit du 24 au 25 juillet de l'année 1587, il signa le bannissement de tous les missionnaires et le fit initier au père Gaspard Coelho, vice-provincial des jésuites au Japon. Celui-ci réunit à Firando tous ses sujets au nombre de 120. Le père Nishi et un frère demeurèrent seuls. Le premier y fut autorisé par Taiko-sama lui-même. Le frère se tint caché. D'après tous les avis qu'on avait reçus, on reconnut que, si d'une part c'eût été une lâcheté d'abandonner les chrétiens, d'autre part la prudence exigeait de disparaître de la scène et de s'effacer complètement. Quelques pères proposèrent même d'envoyer les novices et les étudiants à Macao, mais ce sentiment ne fut point suivi. Tout bien considéré, on crut qu'un temps de persécution était plus propre qu'un autre à former de jeunes religieux destinés à l'apostolat, et qui ne seraient pas même inutiles pendant leurs études et leurs noviciats. Par suite de cette résolution, Paul fut envoyé avec ses conovices dans la petite seigneurie d'Aria, qui faisait partie du royaume d'Arima. On ne saurait dire avec certitude quel fut le séjour de Paul, immédiatement après qu'il eut terminé ses 2 années d'épreuve. Il est probable qu'il se rendit au collège de Consusa, dans le royaume d'Arima, et qu'il y séjourna jusqu'en 1592, où ce collège, beaucoup trop exposé en cet endroit au regard des idolâtres, fut transféré par le père Valignani dans l'île d'Amakusa, l'endroit de tout le Ximo, où il était le plus aisé d'être caché. On enseignait alors, aux scolastiques japonais, outre leur langue maternelle, le latin, la philosophie et la théologie scolastique, avec autant de soin et de profondeur qu'on le faisait en Europe. On prenait seulement la précaution de n'admettre personne, ni aux vœux, ni aux études supérieures, ni aux saints ordres, à moins qu'on ne se fût assuré de lui par une longue expérience. Le fait suivant prouve combien on était circonspect dans la collation de la prêtrise. En 1596, lorsque Paul Miki fut arrêté, il y avait à Amakusa 12 frères appelés vétérans qui y faisaient leur 3e année de probation. Aucun d'eux n'était prêtre, et même jusqu'à ce temps, aucun jésuite japonais n'avait été promu à la prêtrise au Japon. Le titre de frère vétéran indique qu'on ne faisait généralement les études supérieures que dans un âge avancé, après qu'on eût exercé durant de longues années l'office de catéchiste et de prédicateur, et que, lorsqu'on les avait terminées, on n'était pas de suite initié au sacerdoce. Dans les anciens écrits que nous avons sous les yeux, nous ne trouvons pas de traces de ce que Paul ait été appliqué aux hautes études. Lorsqu'il était au collège d'Amakusa, voici au témoignage du père Froez comment cet établissement était organisé. Les professeurs étaient en partie européens, en partie japonais. Les cours d'humanité se faisaient comme en Europe. Il était divisé au collège d'Aria, et de même probablement au collège d'Amakusa en 3 classes. Ceux qui avaient achevé ce cours de latin entendaient ensuite l'explication d'un abrégé de la doctrine chrétienne. Et à cette fin, on avait imprimé en latin le catéchisme du Concile de Trente. Lorsqu'on était suffisamment fort sur cette matière, on était envoyé à une classe où l'on expliquait un livre sur les sectes du Japon et la fausseté du bouddhisme, afin d'être mis en état de soutenir des disputes contre les bonzes et de les convaincre publiquement d'erreurs. C'est à ces 2 derniers cours que Paul Miki puisa les éléments de science qui lui furent si utiles dans la suite. Ses études préliminaires finies, on l'appliqua tout entier à la prédication, pour laquelle il avait un rare talent. Il possédait surtout dans un degré remarquable le don de gagner les cœurs. Il prêcha les 1 année dans le royaume d'Arima, dans la principauté d'Omura et dans d'autres parties du Ximo où les chrétiens étaient fort nombreux. Il le fit avec un concours si prodigieux que depuis l'établissement de la religion dans ces quartiers, on ne se souvenait pas d'avoir rien vu de semblable. Jamais non plus depuis l'arrivée de Saint François Xavier au Japon, il ne s'était fait tant de conversions qu'il s'en opéra pendant les années 1593 et les 2 suivantes, époque des prédications de Saint Paul Miki. Ce succès du jeune prédicateur appela sur lui l'attention du père Nishi, son ancien maître, qui cultivait de nouveau avec de grandes fatigues les chrétientés de Meako et d'Osaka. Il pria le visiteur ou le vice-provincial d'envoyer le jeune homme à son secours et fut heureux de voir exaucer sa prière. Miki eut dans le Tens la même vogue qu'il avait eue dans le Ximo. On accourait de tous côtés pour l'entendre et il était rare que ses prédications ne fussent pas suivies de quelques conversions. Voici un trait qui prouve quel empire il exerçait sur les âmes. 10 ou 12 jours avant son arrestation, passant par les rues de la ville d'Osaka, il vit conduire au dernier supplice un idolâtre, coupable de crime. Enflammé du désir de sauver l'âme de ce malheureux, il s'ouvre un passage à travers les curieux et les soldats. Et, se plaçant à côté du malfaiteur, il lui parla avec tant d'énergie des peines qui attendent dans l'autre vie ceux qui refusent de reconnaître le vrai Dieu et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que ces paroles, rendues efficaces par la grâce divine qui les accompagnait, touchèrent le cœur de l'idolâtre. Paul l'instruisit durant le reste du trajet dans les principaux mystères de la foi, le baptisa au milieu du supplice et eut le bonheur de le voir mourir avec une sainte résignation. À cette époque, l'exercice du saint ministère était extrêmement pénible au Japon et ne pouvait se faire que de nuit pour ne pas irriter Taiko-sama. Par la grâce de Dieu, écrivait un des pères que Paul accompagnait dans leurs excursions apostoliques, par la grâce de Dieu, nous menons une vie semblable à celle que décrit l'apôtre. Nous voyageons couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvres, étant abandonnés, affligés, persécutés, nous errons par les forêts et les vallées, n'ayant le plus souvent pour retraite que le creux des rochers. Une partie de la nuit se passe à nous transporter d'un lieu à l'autre, une partie à remplir les fonctions du saint ministère. Nous pourvoyons ainsi à tous les besoins spirituels des chrétiens. Nous leur prêchons la parole de Dieu et nous leur administrons les sacrements. Durant le jour, nous nous tenons cachés, ou bien nous nous éloignons de toute habitation. Pendant que les missionnaires jésuites travaillaient de la sorte, on les accusait aux îles Philippines et ailleurs d'avoir abandonné leurs troupeaux. On croyait que le zèle grand, généreux, magnifique, le zèle qui convient à des apôtres, consiste à ne tenir aucun compte des dispositions des tyrans, à les braver ouvertement, à dresser des chaires sur les places publiques, à y monter en costume religieux, à faire des processions à la manière des Espagnols, en un mot, à faire des actes de pieuses indiscrétions. Mais Paul ainsi que ses compagnons, prenant Dieu pour témoin et pour juge de leur conduite, continuèrent la marche prudente qu'ils avaient adoptée. Dans ses instructions, notre saint s'étudiait à se servir d'un langage simple, digne, élégant. Il s'accoutumait ainsi à penser et à s'exprimer d'une manière agréable. Cette habitude, l'exercice continuel de parler devant beaucoup de monde de matière religieuse, la pratique des controverses sur les erreurs des sectes japonaises, aidèrent singulièrement au développement de ses talents naturels et à l'accroissement ainsi qu'à la solidité de ses connaissances. Il se crut donc en état d'écrire des traités sur les questions qui faisaient l'objet de ses discours journaliers. Il y employa les loisirs que lui laissaient ses prédications, et l'on trouva ses écrits si utiles qu'on les jugea dignes d'être imprimés. Le zèle sans beaucoup d'autres vertus s'affadit vite, tel ne fut pas celui de Paul. Le saint jeune homme se distinguait singulièrement de ses compatriotes, pour qui le mensonge et la tromperie sont des choses louables. Il était d'une ingénuité et d'une droiture qui charmaient les pères. Ses lèvres, écrivit le père Valignani après sa mort, exhalaient la candeur de son âme. En toute occasion, il faisait preuve d'une admirable simplicité. Puis, continuant son éloge, il ajouta : peu soucieux du soin de sa santé, il eût volontiers sacrifié sa vie pour procurer le salut d'une seule âme. Doué d'une patience à toute épreuve, il supportait avec une sainte joie les peines et les désagréments inséparables du saint ministère, surtout dans le temps de persécution. Ce ne furent pas seulement ses confrères qui admirèrent la sainteté de Paul Miki. Nous trouvons dans l'histoire de l'archipel japonais et des empires de Chine et de Tartarie, par le père Marcel de Ribadeneira, religieux de l'ordre de Saint-François, le témoignage suivant. Il vint deux ou trois fois à notre couvent de Nagasaki, et j'ai connu alors qu'il était un modèle de silence et de modestie. Ses actions étaient autant de preuves de la perfection à laquelle il était parvenu dans les 11 années qu'il a vécu dans la compagnie. Entre les frères qui prêchaient au Japon pendant que j'y étais, il était considéré par les chrétiens comme le prédicateur qui avait le plus d'onction. On disait que nul ne produisait autant de fruits dans les âmes que lui, et qu'il montrait son zèle autant par les sentiments affectueux qui apparaissaient en lui que par ses paroles. C'est pourquoi il était loué par les pères de la compagnie même, comme étant un prédicateur humble et bon, cherchant l'avancement des âmes dans les voies du salut, et son propre progrès dans la vertu et la sainteté. Et ailleurs, le même auteur dit encore « La compagnie de Jésus peut se glorifier à juste titre d'avoir possédé dans son sein beaucoup d'illustres martyrs, tués par les hérétiques et les infidèles, parmi les principaux et les plus célèbres, mérite d'être rangé le saint frère Paul Miki, qui a couvert de gloire par son martyre, son ordre et sa nation. »